Non, ni Popo, un jour, il est allé dans les bois et il a rencontré un chasseur. Et c'était César, mon meilleur ami. Et lui, moi aussi, je suis un chasseur. Et lui, il avait chassé un hérisson. Et ni Popo, après, il l'a mangé. Et c'était délicieux. Ça, c'était très délicieux, il trouvait. Parce que les hérissons, c'est très bon pour son repas. Ça aussi, c'est très bon pour son repas. Les lettres de l'alphabet aussi, c'est très bon pour son repas. Et les guitares aussi, les hommes aussi, mais souvent. Les jouets aussi. Mais sauf ses jouets à lui. Elle aime bien les grenouilles. Les petites fesses. Non, pas ça. Tit, c'est trompé. Et aussi, tu sais ce qu'il aime? Il est très gentil. Ni Popo et César, il est très gentil. Ils sont devenus très amis. Et voici Thomas. Thomas, il est très gentil aussi. Mais c'est un peu trop. Mais il est quand même gentil. Et c'est nous deux, notre meilleur ami. C'est les deux, notre meilleur ami. Et c'est nous deux. Thomas, il est très ami de nous. Et les clowns aussi, les zèbres, les popo aussi, et mon histoire est finie. Maman? Ton stop, il est là.